rayon des nouveautés, les filles de Kill the Princess nous ont aussi gâtés. On a aimé. Alors ce soir, on vous renvoie Kill the Princess qui chante Running After Time. Waouh, super accent! Merci la voix off. Oh la voix off, tu te réveilles, je crois que t'as un petit travail là maintenant. Oh c'est bon, écoute, je sais bien, en plus tu sais ce que je vais dire, c'est toi qui l'écris. Alors, je dois dire, si vous aimez la musique qui passe ce soir dans Pop & Rock, n'oubliez pas de vous brancher sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Ça va, j'ai bien lu? Écoute, ça serait pas mal que t'y mettes un peu plus d'entrain, mais c'est pas grave, pour te réveiller, on va se faire un petit Royal Load avec le titre Come On Over. Oh, Royal Blood et ce soir dans Pop and Rock, c'est d'abord parce qu'on les aime, mais c'est aussi parce qu'ils appartiennent à la playlist du groupe que nous allons découvrir ensemble. Vandervol, voilà un pseudo très énigmatique pour un groupe angevin qui entre ce soir pour la première fois dans Pop and Rock. Malade par Van der Waal. C'était le duo rock angevin qui, en juin 2027, sort son premier EP avec un second single qui arrive, Get Down. À vous de vous faire votre avis. Van der Waal, nouveauté rock française du mois de juin. N'oubliez pas, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Mais pour le moment, si on se faisait un petit oldies but goldies. Ah tiens, ça faisait longtemps. Ouais, mais ça fait pas de mal de se faire du bien. Ouais, je crois bien que c'est ça l'essence même de Pop and Rock, passer de Bonderval à Bauhaus et foncer ensuite sur Clinic Rodeo sans même sourciller. Oh, Il m'arrive régulièrement d'écouter d'anciens pop and rock et récemment, je suis retombé sur des Underground Youth avec le titre The Falling. Honteusement, je le trouve inspiré de Roland Hayes Howard, mais comme la copie n'est pas mauvaise, on va se la faire. Ça s'appelle The Falling par The Underground Youth. I crave this poison every day. Well, it gives me wings but takes the sky away. I know desire like the back of my hand. Still I smother love with a palm that holds my wedding band. In this loving embrace of this vicious liquid I long to taste. If I could convince only myself, I'm the poet, I think the failed writer, farewell, they're assembling now. The Underground Youth, le véritable caméléon du rock, puisque d'un album à l'autre, ils sortent complètement de leurs habitudes. Cette fois-ci, avec The Falling, il s'inspirait pas trop mal de l'ange noir australien Rolandes Howard, que je vous propose à présent de retrouver avec Dead Radio. You're bad for me like cigarettes. But I haven't sucked enough of you yet. Nothing is sacred and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here with you. I've lost the power had to distinguish between what to ignite and what to extinguish. I blew in last night. I'm a hose from the coast when the lighting is bad. I'm a man with a most, and you left me to choke on a heart up in smoke. And your tetracycline overdose. We'll be right back. Roland S. Howard, le pote du Nick Cave, niveau rock maudit, là on a fait dans le surdimensionné. Alors comment poursuivre notre pop and rock? Je ne vois tout de suite que les toujours vivants en sursis du Brian Johnston Massacre. Si je continue sur cette voie, je crains de vous perdre. Alors pour vous rassurer, on va se faire une petite dose d'un truc que vous reconnaîtrez certainement. Thank you. song. Hey, je vous avais dit, juste une petite dose des Breeders et on reprend tout de suite notre pop and rock qui avait commencé avec des groupes français comme Clinique Rodeo et autres Belle Fegords. Ce soir, la dernière ligne droite sera britannique ou ne sera pas. J'adore le coureur chanté par les rockers bien coiffés de Boxer Rebellion qui n'ont de rebelle que le pseudo, parce que chez les Britanniques, si on veut du rebelle, il faut aller plutôt en Irlande. Cars, cars, a smile, a slither to my corner. face so true. My word is always in the ready, and I'll be tribute that to you. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't wanna belong to anyone. You should have heard I'm in a very learned people with a tongue. Second-hand cloth, make the women feel young. I heard I'm serving as a soldier in the annex of the earth. Threw himself before a bullet and threw the metal to the dirt. Hit a man's word. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't wanna belong to anyone. En juin 2023, les Foo Fighters viennent de sortir un nouvel album. Désolé Pierrot, on ne les écoutera pas ce soir, parce que des Foo Fighters, perso, je ne retiens que Dave Grohl. Et encore, juste quand il joue de la batterie pour Nirvana. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bis à tous.